branche-toi sur le haut débit et prépare ta carte de crédit. Vous trouverez dans l'aide en ligne tout sur la pêche à la ligne. Web, web, web, c'est Babel Web sur Babel Web. Web, web, web, c'est la Casbah dans ta Casbah. Qu'à surfer sur internet, si tu veux trouver des recettes, vous trouverez dans l'aide en ligne tout ce qu'il faut pour garder la ligne. Web, web, web, c'est Babel Web sur Babel Web. Web, web, web, c'est la Casbah dans ta Casbah. Tout sur la toile, tu peux côtoyer les étoiles. Vous trouverez dans l'aide en ligne tout pour devenir pilote de ligne. Web, web, web, c'est Babel Web sur Babel Web. Web, web, web, c'est la Casbah dans ta Casbah.